Boulette sur le bas allemand, je traîne trop vert ici, j'attends mon heure depuis gamin, charbonne sans répit, 2-3 places de chrome sur le calepin, plus de confiance vérifie, tu fais bosser 2-3 tapins, fais pas le gangster ici, siège chauffant, on a misé le confort, les autres sont pas contents, je les comprends, ils veulent croquer nos plans, maman s'inquiète autant, comment veux-tu que je reste qui le tran, la misère qui m'étrangle, vêtu de noir, je revendais la blanche, fallait s'en faire du sens. J'enchaîne des semaines à 10K, pas de pénurie, je ravitaille, leur faire confiance, mauvaise idée, mon dos se tourne et v'là qui part, les plus mecs sont calibrés, quantité comme qualité, mais pour grimper je fais pas le chiro, on va te laisser sans chico, tu te sens chaud sous Jack Offray, mon bénéfice est Jack Offray, si je fais la ponche, je monte pas la pente, dis pas que je me la raconte, comme le million, je vais me faire attendre, tu veux du salon.